et les deux cousines continuèrent à plaisanter. Hortense riait comme lorsqu'on s'efforce de rire, car elle était envahie par un amour que toutes les jeunes filles ont subi, l'amour de l'inconnu, l'amour à l'état vague et dont les pensées se concrètent autour d'une figure qui lui est jetée par hasard. Comme les floraisons de la gelée se prennent à des brins de paille suspendus par le vent à la marge d'une fenêtre. Depuis 10 mois, elle avait fait un être réel du fantastique amoureux de sa cousine par la raison qu'elle croyait, comme sa mère, au célibat perpétuel de sa cousine. Et depuis 8 jours, ce fantôme était devenu le comte Wenceslas Steinbock. Le rêve d'un acte de naissance, la vapeur se solidifiait en un jeune homme de 30 ans. Le cachet qu'elle tenait à la main, espèce d'annonciation où le génie éclatait comme une lumière, eut la puissance d'un talisman. Hortense se sentait si heureuse qu'elle se prit à douter que ce conte fût de l'histoire. Son sang fermentait, elle riait comme une folle pour donner le change à sa cousine.